France Inter. Le 13-14. Le vif de l'histoire. Conseil des ministres, on ose à peine dire le dernier de l'ère Castex ce matin à l'Élysée. Demain, le Premier ministre réunit son équipe pour un dîner d'adieu à Matignon. Jean Lebrun, on ne sait toujours pas qui lui succédera. Est-ce que ce sera une femme, la seule à avoir occupé ce poste jusque-là? C'était Edith Cresson, il y a un peu plus de 30 ans. Elle était restée moins d'un an en poste. Oui. À son départ, on la surnommait, cette première femme Premier ministre, Calamité Jeanne Cresson. Alors, faut se souvenir, 91, François Mitterrand supporte de plus en plus mal, à Matignon, Michel Rocard, avec qui il a l'impression de vivre une cohabitation. Il le fait déguerpir en 24 heures. Avec Cresson, par ailleurs son obligé, il croit pouvoir provoquer un changement de style. Il aime chez elle, un peu comme chez Bernard Tapie, vous voyez, le parler cash. Le naturel, la gouaille. Oui, mais instantanément, eh ben ça tourne mal. Bah oui, parce que le discours de politique générale d'Edith Cresson à l'Assemblée nationale commet le prodige d'être à la fois plat et creux. Les rocardiens observent qu'elle n'a pas cité une seule fois son prédécesseur. Les clients des différents barons du Parti Socialiste lui reprochent d'avoir pris la place de leurs champions respectifs. Le plus mécontent, c'est Pierre Bérégovoy, qui s'estimait beaucoup plus légitime pour le poste. Il garde pourtant Bercy et ses dépendances, d'où il assène que, dans une conjoncture difficile, il ne faut rien faire qui mécontente les investisseurs, est reconnu. J'en ai rien à cirer de la bourse, répond Edith Cresson. Mais Charras fait la paire avec Bérégovoy et explique que la réduction des inégalités, ça n'entraînerait pas de vote supplémentaire de l'électorat socialiste, au vu que les RMistes ne sont pas très reconnaissants. Donc, vogue la galère de l'austérité. Et le pilotage de la galère par Edith Cresson n'apparaît pas très clair et net. Non, parce que d'un côté, elle dit regretter les hautes années de l'Union de la gauche, quand les communistes participent pète au gouvernement, et de l'autre, elle en appelle à la limitation des salaires pour développer la compétitivité et à l'augmentation des taxes et des cotisations pour réduire les dépenses publiques. À Bercy, Bérégovoy la surveille, tel un vice-premier ministre, tandis qu'à Matignon, elle a installé un conseiller spécial tout-puissant, homme d'affaires et gaulliste, Abel Farnoux, auquel elle passe tout et qui fait office, lui, de premier ministre bis. Et faute de ligne claire, il lui faudrait une politique d'image efficace? Oui, parce qu'elle n'était pas très connue à l'arrivée, au départ, et Edith Cresson n'avait occupé que des ministères techniques. Jamais une grande émission de télévision ne l'avait invitée avant son entrée à Matignon. Et dès qu'elle y arrive, le bébête chaud, Stéphane Collaro, souvenez-vous, on va dire le bébête macho, la pilonne systématiquement. Elle est représentée par une marionnette de panthère pulpeuse nommée Amabotte, et on la voit se rouler au pied de Mitterrand Kermit. Oh, mon roudoudou d'amour, mon bichon de solutré. Alors, c'est pas d'aujourd'hui que les humoristes prennent la place des éditorialistes, qui de toute façon, à l'époque, sont pareillement négatifs pour elle. Et la panthère les considère comme des chiens. Pire, des hyènes. En regard, elle se dote d'une cellule de communication pléthorique qui va la tirer à U et à Dia. Alors elle multiplie les maladresses. D'elle, on ne se souvient aujourd'hui que de ses saillies. Les Japonais seraient des fourmis, les Britanniques des homos refoulés. Elle se défend en disant que ses sorties privées n'étaient pas destinées à la publication, mais en revanche, c'est en parfaite connaissance de cause qu'en jogging dans sa maison de campagne, elle déclare à propos des étrangers en situation irrégulière qu'il faudrait les raccompagner manu militari. Alors on lui demande en charter, ah non, ce ne serait pas des charters, les charters c'est des gens qui partent en vacances avec des prix inférieurs. Là, ce sera pas pour des vacances et ce sera totalement gratuit. La gauche s'émeut, Denise Cacheux, députée socialiste du Nord, déclare, on ne peut pas dire ça tout sans le penser un peu tout bas. Pourtant, Denise Cacheux, qui était la plus savoureuse des parlementaires, je la salue, avait soutenu Cresson, avec elle les mecs vont en chier, avait-elle commencé par dire d'un air gourmand. Et d'ailleurs, ce fut la dernière ligne de défense d'Edith Cresson. Elle se présente depuis sa chute comme la victime du sexisme. Oui, mais quand elle était à Matignon, elle n'avait pas beaucoup joué de cette corde. Tenant par exemple à distance Françoise Gaspard, l'ancienne maire de Dreux, qui voulait s'installer à ses côtés pour défendre son mandat sous cet angle-là. Mitterrand, qui devra lui signifier son congé au bout de 10 mois seulement, tentera lui aussi de dissimuler son erreur de l'avoir nommée en disant qu'il avait sous-estimé les forces obscures, en tant des virils qui se sont dressés contre elle. Alors on peut en discuter à l'infini, ce qui est sûr, Bruno, c'est que l'expérience malheureuse de Cresson à Matignon n'a pas accéléré la féminisation de la vie politique. Jean Lebrun, le vif de l'histoire juste avant 14h tous les jours. France Inter.